business tourne, le temps passe plus vite que sur ma Rolex. J'pense aux frérots qui sont condamnés, 16e arrondissement de Marseille. Les quartiers nord, j'y suis attaché. Ma maman m'a dit, faut croire en tes rêves. Même si tu t'en faudra pas lâcher, j'ai des vérités au bout de lèvres. Mais y'a des mots qui peuvent pas. Bâtiment éteint quand les lumières s'allument. Comme ce poteau qui a jamais trouvé le salut. Comme ce cowboy qui frappe les portes du saloon. Qui rentre à la maison sans retrouver sa femme. Qui donne tout ce qu'il a pour mettre à l'aise ses fils. Qui donne tout ce qu'il a pour protéger sa fille. Qui pour ses parents rêverait du paradis. Même pour ses ennemis rêverait du paradis. Il est l'heure. J'ai quitté la vie de dealer. Je regarde plus la fenêtre à 6h. Sur le renté que des mineurs. Je laisse gâcher comme on s'en dise. J'ai des principes et des valeurs. Comme les anciens, j'ai toujours bon cœur. Tous mes amis sont des. Beaucoup d'entre eux partis avant l'heure. J'ai le quartier dans la peau, tout le bled sur le dos. J'vois des princes, toi des crapauds. Quand tu regardes le ghetto, les souvenirs de l'époque me rappellent sur la photo. Tes frères sont partis trop tôt. Pour eux, je chanterai. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Ça fait olé, olé, olé, olé, olé, olé, olé. Ça fait olé, olé, olé, olé, olé, olé. Ça fait olé. Quand l'argent n'est pas au milieu, c'est toujours mieux quand père n'a pas quitté les lieux. Toujours mieux de voir en bonne santé les neveux. C'est toujours mieux d'être à jeun que sous joint de bœuf. Les mêmes problèmes du plan d'Awa l'a casté. On consomme la vodka, le bar on l'a cassé. Ça sert à rien de repenser au passé. La tour ils l'ont détruite, les souvenirs effacés. On vit la vie, on a perdu nos amis. Du mal à dormir la nuit. On vit la vie, on a perdu nos amis. Du mal à dormir la nuit. Même en hiver, dans le four c'est chaud sa mère. Ça te sort le revolver, la guerre côtière. J'ai juré qu'on prend du fer. J'ai juré qu'on prend du fer. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu du quartier? Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu du quartier? Trop dans les comptes, règlement de compte, les darons dans l'âme font la chaussée. Chaque génération,